chats, faut pas pleurer comme ça. Ma maman est partie pour chasser des souris. Seule dans mon panier, moi je m'ennuie. Miaou, miaou, mon petit chat, ta maman revient.